C'est bon ici. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا إخوة الإسلام مع مواقف سلفنا الصالح في تطبيق هذا الأصل العظيم الذي هو السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. Et nous continuons de parler, frère en Allah, Azza wa Jal, de cette position qu'avaient nos puzzers de Allah alayhim, devant cet énorme fondement dans les croyances, qui est le fait d'écouter et d'obéir à nos gouverneurs, aux gouverneurs musulmans, et de ne pas se révolter contre eux. Wa ja'a fi tamhid li risalati shaykh ابن برجس رحمه الله، وفي ذلك يقول الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحم الله الجميع في كلام متين يكشف شيئا من الشبه الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال. إذن لبخفاص للشيخ عبد الكريم بن برجس رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. Il dit, dans ce sens-là, l'imam, le sheikh Abdel Latif ibn Abdel Rahman ibn Hassan al-Sheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde de tous, il dit une parole très forte qui dissipe les nuages des ambiguïtés et les déguisements des situations à ce niveau-là et à ce chapitre-là, et qui réplique à ceux qui propagent ces ambiguïtés parmi les ignorants. يقول رحمه الله: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجرائد من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام. ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. Il dit, rahimahallahu ta'ala, et les paroles sont à Imam Abdelatif ibn Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh, rahimahallahu ta'ala. Il dit, il s'est perturbé, ne savent pas que beaucoup parmi les gouverneurs des pays de l'islam, depuis l'époque du Yazid ibn Muawiya, en dehors de Omar ibn Abdelaziz, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait épargner de cette époque des Umayyades, ses khulafa et ses rois, il est émané d'eux, ils étaient audacieux, ils ont fait des choses énormes, ils ont fait un grand mal dans les pays qu'ils gouvernaient. Et malgré tout ça, la voie sur laquelle étaient les nobles imams et les éminences de science de cette époque, il est connu, il est réputé, ils n'ont jamais désobéi dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aura ordonné et de ce que l'a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les ordres qu'ils ont reçus d'Allah et de son messager concernant les obligations de la religion. C'est-à-dire que malgré les choses, les injustices qu'il y a eu, qui émanaient de certains khalifs de Banu Umayya, les grands imams, les hommes de science, sont restés avec le groupe. Ils n'ont pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala ni à son messager. Ils se sont acquittés de leurs devoirs vis-à-vis de ses gouverneurs, comme leur imposait la religion et la sunna du messager alayhi salatu salam, et comme l'étaient avant eux les nobles compagnons radhiyallahu anhum. Yaqul wa sma' akhal islam. وهذا مثال جيد للفطن الذي يتعظ بمن سبقه من سلفه الصالح. يقول: وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر ابن الزبير، وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايع أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. Il dit, حفظه الله تعالى, dans ce qui rapporte de Durer Saniya de l'imam Abdelatif ibn Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh, il dit, et je vous donne un exemple avec le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Sa situation est énorme. Sa situation est réputée dans la communauté comme quoi il était injuste. Il était très injuste. Il a dépassé ses limites. Combien de sang il n'a pas fait couler, Hajjaj ibn Yusuf. Il n'a pas fait couler que le sang des communs. Les éminences de science de son époque, il les a fait aiguiller. Tel Saïd ibn Jubair. Il a même encerclé ibn Zubair, alors qu'ibn Zubair s'est réfugié dans la mosquée sacrée à la Mecque. S'est réfugié à l'intérieur de la mosquée, à côté de la Kaaba. Et Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi a transgressé le sacrement de la mosquée sacrée. Et il a tué ibn Zubair. Alors qu'ibn Zubair lui a donné l'allégeance en général. Et il a dit qu'il lui obéirait. Et la majorité des gens de la Mecque ont obéit et ont donné l'allégeance en général à Ibn Yusuf, à Al-Hajjaj Ibn Yusuf, ainsi que les gens de Médine, ainsi que les gens du Yémen, et beaucoup de populations parmi les populations de l'Irak. Et Al-Hajjaj, il était le représentant de Marwan, et après de son fils Abdul Malik. Et Marwan, personne n'a délégué le pouvoir à Marwan. Et personne parmi les hommes de science et les spécialistes de la politique, etc., et de la situation, n'ont fait l'allégeance à Marwan. Il a pris le pouvoir comme ça, mais tout le monde s'y est incliné. Et personne parmi les hommes de science a refusé de faire l'allégeance à Marwan. Alors qu'il n'y a aucun calife qui lui a donné le pouvoir, ou qui lui a dit de lui succéder. Et tous les hommes de science de l'époque ont obéi, ont fait l'allégeance à Marwan. Ils lui ont obéi dans l'obéissance à Allah, et dans l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam, et dans les obligations de l'islam. Yaqul, wa kana ibn Umar, wa man adraka al-hajjaj min ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, la yunazi'unahu. ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. Il dit رحمه الله تعالى ابن عمر. Et qui c'est ابن عمر? L'exemple du suivi. Comment il était dans le suivi au messager عليه السلام. Il dit ابن عمر ainsi que les compagnons qui ont vécu à l'époque de l'Hujjaj, parmi les compagnons du prophète, jamais ils ont concurrencé l'Hujjaj dans son poste. Jamais ils ont désobéi al-Hajjaj dans les choses qui accomplissent l'islam et qui complètent la foi. Abadan, ils ont désobéi. Jamais. Aucun d'eux. Des nobles compagnons à l'islam. Et des éminences de science. Comment dire nos ministres contemporains maintenant devant la position d'Abdullah ibn Omar et devant les éminences de science de cette époque. Cette époque qui a reçu l'éloge minallah azza wa jal. Est-ce que parmi ceux qui crient maintenant que ceci est légiféré, cette fitna est légiférée, etc., ceux-là, ils arrivent à la terre qui tombe des pieds de Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, ou une éminence de science de l'époque? Eh bien, dans l'islam. Et regardez leur position. Où il est, celle d'Abdullah ibn Omar, et regardez la position des démagogues de notre époque, et des idéologues de notre époque, et de ceux qui cherchent les postes, et qui ne veulent pas épargner à cette communauté le sang et les perturbations, et qui veulent rentrer la communauté dans une insécurité. Ainsi, ils jouent le jeu des ennemis d'Allah, Azza wa Jal. ويقول رحمه الله وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب ومن هو ابن المسيب في العلم من هو ابن المسيب والحسن البصري ومن هو الحسن البصري في إمامته وعلمه ودينه وابن سيرين ومن هو ابن سيرين أخ الإسلام وإبراهيم تيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة أين من ينظرون لنا الخروج والطورات من هؤلاء الأئمة الأعلام أين هم منهم ومن منهجهم ومن نصحهم فهنا الله عز وجل il en est de même à l'époque des successeurs des compagnons de Muhammad عليه الصلاة والسلام ces grands tabi'i comme Ibn al-Musayyib et qui c'est Ibn al-Musayyib dans la science et comme Al-Hasan al-Basri رحمه الله dans l'imama dans la religion dans la science Ibn Sirin, et qui c'est Ibn Sirin, Rahimahumullah wa radiyallahu anhum, Ibrahim Taimi, et leur équivalent qui ont vécu à leur époque, qui sont les nobles de cette communauté. Regardez ces éminences de science, dans quel fleuve ils étaient, dans quelle direction, et comparez-les avec les théoriciens des groupes maintenant, les idéologues, etc. Regardez ceux-là, ils ont épargné le sang de la communauté, ils ne l'ont pas entraîné dans la fitna. Et nos contemporains veulent que la communauté tombe dans la fitna, et tombe dans les bains de sang, et dans les guerres tribales, et dans, et vas-y. يقول رحمه الله واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. يلدي رحمه الله تعالى toujours la citation il est dans le septième tome de Durar Najdiya Durar Saniya في الأجوبة النجدية. Il dit la situation a été ainsi, a continué ainsi entre les hommes de science de la communauté, parmi les nobles de la communauté, parmi ces grands imams. Ils ordonnent l'obéissance à Allah, l'obéissance au messager, le fait de combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala avec n'importe quel gouverneur, qu'il soit dévoué et dont la droiture qu'il soit pervers. Comme il est connu dans les livres, les fondements de la religion et des croyances. Ainsi ils étaient ridwanullah alayhim. Et ça c'est notre voie. Et celui qui cherche autre chose que ça, il cherche sa perte. Il n'est pas dans bon conseil pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق وقتلوا الخليفة مروان حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية ووضع الفرش على جثتهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. ها من الولاة اليوم فعل هذا؟ ها Et il en est de même des Abbasides, de Banu al-Abbas, ce qu'on appelle les Abbasides, hein, dans le langage des francophones. Ils se sont accaparés des pays de l'islam par la force, par l'épée, en faisant couler les sangs. Aucun homme de science n'était à leur côté dans le fait de s'accaparer du pays de l'islam. Ils ont tué beaucoup de monde. Hein? Ils ont tué beaucoup parmi la descendance de Banu Umayya, parmi leurs gouverneurs. Parmi leurs princes, parmi leurs représentants, ils les ont exterminés. Ils ont tué Ibn Hubayra, le prince de l'Irak. Ils ont exterminé et tué le Khalifa Marwan. Il a été rapporté dans les annales de l'histoire que Safah, dans une seule journée, il a tué 80 parmi Banu Umayya. Il a ordonné qu'on mette les tapis sur leurs cadavres et qu'on serve à boire et à manger. Vous avez vu un gouverneur de votre époque qui a fait ça maintenant? Hein? ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع أولاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والطلاع. Et malgré tout ça, la façon d'être des grands imams de la communauté avec ses gouverneurs, comme l'Auza'i, comme l'Imam Malik, comme Zuhri, comme l'Layth ibn Sa'd, comme Ata ibn Abi Rabih, leur comportement avec ses rois et avec ses gouverneurs, il est connu de tout le monde. Tout un chacun qui lit les livres de l'histoire, hein, ben il sait comment ces nobles hommes de science, ils étaient avec ses gouverneurs. Qui ne se sont pas révoltés ni contre eux, ni ils ont appelé à la révolte contre eux. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهويه وإخوانهم وقع في عصر من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع أيضا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الدرر الثانية إلى deuxième génération des hommes de science comme l'imam Ahmed comme Mohamed بن إسماعيل comme Mohamed بن إدريس et Ahmed بن نوح إسحاق بن راهويه et leurs frères. À l'époque, les rois qui gouvernaient sont tombés dans des énormes innovations. Parmi le fait de mettre de côté, de ne pas reconnaître les attributs d'Allah ils ont appelé les hommes de science à croire en ça. Et les hommes de science ont été éprouvés avec ça. Et un grand nombre a été tué par les hommes de science, comme Ahmed ibn Nasr et d'autres. Et malgré tout ça, on sait que personne parmi ces hommes de science, personne parmi eux n'a appelé vers le fait de désobéir et de se révolter contre ces gens-là. Et c'est là où s'arrête la parole tirée de Dulal Saniya. يقول الشيخ ابن برزيس رحمه الله تعالى فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الإنصاف تجده من مشكات السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة بعيدا عن الإفراط والتفريط. اي شيخ ابن برزيس رحمه الله تعالى ده يعني attention dire médite cette noble parole et cette belle parole. Tu trouves que c'est l'équité même. Et tu trouves que ça vient directement de la source des puiseurs d'Allah alayhim. C'est cette source qui est conforme au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna et aux règles générales de l'islam. Loin de tout laxisme et de tout extrémisme. Yaqul rahimahullah wa kalamu a'immati da'wati rahimahumullahu ta'ala katilun fi hada al-bab. ترى طائفة منه في الجزء السابع من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية. Il dit رحمه الله تعالى les paroles des imams de la da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala les écombles de sa sainte miséricorde. Énorme à ce niveau-là et à ce chapitre-là. Il y trouvera une grande partie dans le septième tome de cette série Durr al-Saniya, dans les réponses de Najd. يقول كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي وترسيخه عند غلبة الجهل به أو فشو الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة فيه. Il dit tout ça fait obligatoire qu'il faut s'occuper de ce fondement au niveau des croyances et qu'il faut l'ancrer dans les esprits contre l'ignorance à pignon sur rue et contre les pensées destructrices se propage au milieu des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. يقول رحمه الله وكلامه وصدق رحمه الله فيما قال ولا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه. Il a dit cette phrase. Il a dit vrai que Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde. Il n'y a aucun doute qu'à notre époque, l'époque que nous vivons, il a réuni les deux choses. L'ignorance, c'est elle qui a pignon sur rue. Et la propagation, le fait que les pensées destructives ont grignoté les esprits. Et ces tendances à destructrices ont grignoté la jeunesse. Et ceci est la réalité. Oh, regarde ce qui se passe devant toi. يقول رحمه الله وأسكنه فسيح جناته فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فليبينوا للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى مخلصين لهم أعمالهم ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعد من لا خلاق له. Il dit du devoir des gens de science et des demandeurs de la science de se cramponner au pacte que Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur eux. Vous allez éclairer les gens et vous ne cachez rien. Allah subhanahu wa ta'ala a pris à ce pacte sur les hommes de science et les demandeurs de science qu'ils doivent éclairer les gens. Ils ne doivent rien cacher. Et donc, leur devoir, c'est de montrer aux gens, d'éclairer les gens sur ce fondement principal. Et qu'ils doivent attendre la récompense minallah azza wa jal en accomplissant les actes sincèrement pour Allah. Et rien ne doit les empêcher d'accomplir et d'éclairer sur ce fondement principal. Ni les ambiguïtés que font propager ceux qui n'ont aucun comportement. Va au son les prêcheurs de la fitna et les docteurs et ainsi de suite. Et tous ces prêcheurs dans les médias, où sont-ils de ce fondement? et des éclaircissements à donner à la communauté concernant ce fondement principal, qui est le fait de obéir et d'écouter et d'obéir à son gouverneur musulman, dont l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui la voix des plus aïeuls qui respectaient ce fondement est dont à droite et eux ils sont à gauche. Allah subhanahu wa ta'ala salam al-afiya. Et les gens suivent. Ce sont les bonhommes. Ils sont courageux. Ah, l'islam, si le courage était comme ça, c'est facile. C'est très facile. Tout un chacun est capable de monter sur un minbar et d'insulter les gouverneurs. C'est très simple. Mais de ramener les gens à une croyance authentique et d'aller et de ne pas aller dans le sens des désirs des gens, c'est là. Et ça, il est accompli que par les nobles de cette communauté maintenant. Ils existent, ils sont nombreux. Hada, son éminence, le mufti, son éminence, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Cheikh Rabir, Cheikh Obaid Al-Jabiri, Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali, Cheikh Zayed, etc. La liste est longue, que ce soit en Arabie Saoudite ou au Yémen ou ailleurs. Ceux qui respectent la voix de leur puzzle, d'Allah alayhim. Bien sûr, ils ne sont pas sûrs, dans l'image d'Al-Khassira. C'est normal. Les médias, ils sont tenus par qui? Qui fait la pluie et le beau temps des médias? Tu crois que c'est le Khassira? Eh bien, d'un akhal islam, si tu crois ça, tu es fou. Les médias, ils ne sont pas aux mains des musulmans, akhal islam. Il n'y a qu'à voir les excitations que fait le Khassira aux mains des musulmans. Où sont les pays arabes? Ils s'endorment. Oh, l'injustice des gouverneurs des pays arabes, etc. Et après, maintenant, ils ont allumé le feu. Maintenant, ils se frottent les mains. Pourquoi il ne veut pas nous laisser rentrer faire des reportages? Subhanallah. Quand est-ce qu'on va se réveiller, Akhal Islam? Notre issue pour être sauvé, il est donc قال الله قال رسوله قال الصحابة بس. Et ceux qui les suivent. Là, notre issue pour la réussite, il est dont Allah a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ceux qui les suivent. C'est tout. C'est là. Et les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, c'est tout. On sort de là, c'est la perte. On sort de là, c'est la voie de l'Occident, c'est la voie des laïcs, la voie des communistes, la voie de droite, la voie de gauche, et la liste est longue. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. كقول بعضهم من المستفيد من بيان هذا الامر certains dire qui va profiter du fait d'éclairer les gens sur ce fondement qui est le fait d'obéir et d'écouter et d'obéir à son gouverneur dans l'obéissance à Allah et de ne pas se révolter contre son gouverneur qui va en profiter c'est une énorme ambiguïté يشير الى ان المستفيد منه هم الولاد فقط وهذا جهل مفرط وضلال مبين إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا. Et cette parole, il fait allusion à quoi? Il fait allusion comme le fait, ceux qui vont en profiter, ce sont les gouverneurs. Tout simplement. Et ça, c'est une ignorance. C'est une ignorance laxiste. Et c'est une ignorance qui est à l'extrême. Il y a un égarement clair. Et la base et la source de cette ignorance, c'est qu'on ne sait pas nos devoirs vis-à-vis de nos gouverneurs. Qu'ils soient pervers ou qu'ils soient dans la droiture. Voilà, ils viennent de cette ignorance, de ce fondement principal. يقول رحمه الله على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية كما لا يخفى على أهل العلم بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. Et alors que le bénéfice, c'est un bénéfice dans lequel ils sont tous associés, le gouverneur et ceux qui sont et leur population. Comme le connaissent les hommes de science. Les hommes de science, ce point-là, ils ne leur échappent pas. Et peut-être même, il dit, rahimahullah ta'ala, ceux qui vont en profiter le plus, ce sont les populations et non pas le gouverneur. Toi, tu dors, lui, il n'arrive pas à dormir. Il y a certains, quand ils ont écrit leur mémoire, hein, comme le roi qui est mort de Jordanie, il n'arrive pas à manger. Je ne sais pas combien d'années il n'a pas mangé avec sa vie. 10 fois, on lui sert à manger, tout d'un coup, il y a un problème, et parti. Ça y est. Hein? Toi, tu es tranquille. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné de responsabilité. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Acquitte-toi juste de la responsabilité de toi-même, de ta femme et de tes enfants. Hein? C'est une royauté que tu as. Et tu es aussi responsable que le gouverneur. Et tu dois accomplir les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant cette famille, concernant toi-même. Hein? Regarde, est-ce que tu arrives dans... Si tu es célibataire sur toi tout seul d'accomplir les lois d'Allah, ou tu es négligent. Alors si tu n'y arrives pas, comment tu peux dénigrer l'autre qui a 50 millions de personnes, 60 millions de personnes? Qu'on réfléchisse un petit peu. Et qu'on sache que demain, gouverner et gouverneur, devant Allah, nous devons rendre des comptes. Chacun selon sa responsabilité. Hein? Et tu remercies Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de toi. Que tu sois le porteur de ce grand fardeau et de cette énorme responsabilité. Et tu dois faire comme tu puisais dans l'âme, c'est de faire dua à ceux qui ont ce fardeau sur le dos. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite l'accomplissement de ce fardeau, qu'il les oriente vers la voie du bien, qu'il leur donne des bons conseils et qu'il les aide dans le bon sens, qu'il leur fasse dévoiler la réalité et qu'il éloigne d'eux les mauvais conseillers et les profiteurs, etc. Je ne sais pas tout ce qui grignote autour de ces grands hommes responsables. Il y a les profiteurs, il y a ceci, il y a cela, etc. Hein? Il y a ceux qui... Hein? Rien ne se rapproche que pour le pouvoir et pour faire ce qu'ils veulent, et ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve le gouverneur du pays de l'islam de ce genre de gangrène. Et qu'il leur dévoile la réalité. Hein? Et qu'il les unisse tous sur la parole d'Allah, l'authentique de la sunna et la voix de nos puissants d'Allah alim. À ce qu'il nous est demandé, et c'est pas grand chose, c'est peu par rapport à nos gouverneurs et par rapport à cela. Regarde maintenant, Allah regarde, il y a jusqu'à la semaine dernière avant de prendre l'avion, le Maroc tranquille, les gens allaient faire leurs courses tranquille. Hein? Tout le monde mange à sa faim. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a une différence dans la subsistance. Oulala. Ouais, depuis dimanche, c'est pas la même chose. Tout a changé. C'est quoi le péché de ceux qu'on a grillés comme ça avec le feu dans cette agence bancaire? C'est quoi leur péché? Hein? C'est quoi les maisons qu'on brûle des gens, le commerce qu'on pille des gens? Hein? Voilà. L'insécurité. Comme il a dit l'un de nos puissants, il vaut mieux 70 ans sous le gouvernorat d'un gouverneur tyran et injuste qui nuit son gouverneur. Ils ont raison, regarde ce qui se passe à l'islam. Raconte, on a disloqué le gouverneur d'Irak, Saddam Hussein, il y avait des personnes qui pleuraient Saddam. Parce que ce qui leur est arrivé est pire que ce qu'ils subissaient à l'époque de Saddam. On ne défend pas le gouverneur de Saddam ni quoi que ce soit. Mais ce qui est arrivé est pire. Hein? Et ainsi de suite. Quand ils se sont révoltés au Somal, ils étaient unis et tout. Regarde. Et partout où ça éclate, hein? Allah seul sait quand ça va finir. Et les dégâts que ça fait. Bah, tu as ta soeur en Tunisie, tu as ton père, tu as tes parents au Maroc, etc. Tu veux qu'on les pille? Tu veux que, par exemple, 30 ans, ton père a travaillé 30 ans, 20 ans pour construire au Maroc et tout d'un coup on vient, on brûle tout? Qui aimerait ça? Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans les manifestations. Les viols, tu aimerais qu'on viole ta femme, qu'on viole tes soeurs, qu'on viole une soeur dans l'islam, tout simplement, une innocente. Hein? Il y a deux noms. Là. Ils appellent ça des manifestations binit min Allah azza wa jal pour demander les droits légiférés. Subhanallah. Comment on change les situations comme ça, hein? كذلك يقول رحمه الله ومن الشبه أيضا قول بعضهم إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته. Il fait partie des ambiguïtés aussi. Certains disent parler sur ce sujet-là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. سبحان الله يقول الشيخ متى وقته إذن إذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء إذا عمت الفوضى ورفع الأمن. C'est une énorme ambiguïté. Non, ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Le cheikh, il leur répond, gloire à Allah, quand est-ce qu'il faut en parler? Quand est-ce que ce sera le moment? Au moment où les têtes se font couper? Au moment où le sang se fait couler? Au moment où il y a le pillage? Où il y a l'insécurité? Où le paganisme partout? Hein? Le trouble, la perturbation partout? C'est à ce moment-là. Hein? Fando, l'un. وما نحن فيه في كثير من البلدان فهذه الشبهة انطلقت على كثير ممن لم يتشبه بمذهب السلف رضوان الله عليهم et regarde maintenant la situation dans laquelle nous sommes dans laquelle sont certains pays hein? et cette ambiguïté s'est mise ici dans l'esprit de beaucoup qui ne sont pas imbibés de la voix du puiser رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله واسكنه فسيح جناته إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكتف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام خاصة لما حصل لفئام من الناس من تلوث فكري في هذا الباب قاد زمامه شراذم من أصحاب الاتجاهات الدخيلة فأفسدوا أيما إفساد وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الكاسدة. Il dit حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله. Le fait de parler de ce sujet, il faut augmenter les discussions autour de ce sujet de la part des hommes de science, de la part des demandeurs de science, surtout durant ces jours-ci. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à une partie des gens, c'est que leur esprit a été spolué, a été pollué à ce niveau-là et à ce sujet-là. Et cette pollution a été faite par des personnes qui ont des orientations différentes de la voie du puiser d'Allah alayhim. Ils ont fait un énorme mal. Ils ont perturbé l'aqidah des puisers d'Allah alayhim à ce niveau-là. Il y a ce sujet qui est très dangereux par les ambiguïtés qu'ils ont lâchées, qu'ils ont inculquées et par les fausses preuves qu'ils amènent comme argumentation. يقول رحمه الله ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيها أحد فإنه أحد رجلين إما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه أو جاهل لا يدري ما الناس فيه. Il dit رحمه الله تعالى ne te fais pas avoir par ceux qui disent que ceci n'existe pas, que ces gens-là, ces perturbateurs n'existent pas. Et parce que le sujet de l'allégeance et de l'obéissance, et du fait d'écouter le gouverneur et de lui obéir, il n'y a personne qui le met en doute. Il dit, celui-là, c'est l'un des deux hommes. Soit il veut préserver ces gens-là, pour qu'on ne lui désigne pas, avec la voix sur laquelle, qu'on ne les appelle pas des khawarij, et les gens, les chiens des, les gens de l'enfer, et ainsi de suite. Ou alors, c'est un ignorant, qui ne sait pas la situation dans laquelle sont les gens. L'un des deux. يقول رحمه الله فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية أو اتباعا لأهوائهم بغير هدى من الله. إلدي رحمه الله تعالى كل préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. ceux qui disent n'importe quoi et qui propagent n'importe quoi et qu'ils s'arrêtent, qu'ils s'abstiennent de détourner les gens de la voie d'Allah, hein, et qu'ils arrêtent d'œuvrer dans le sens de leur parti et qu'ils arrêtent d'œuvrer dans le fait de propager leur voie, leur mauvaise voie, par ce genre d'ambiguïté qu'ils ne tiennent pas debout, ou alors parce qu'ils suivent leur passion sans guider d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب فيعمل بها ويدعن لها ولا يجعل للهوى عليه سلطانا فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. Il dit, pour celui qui veut être sauvé, qui veut la réussite et être sauvé, il doit méditer les textes de la législation à ce niveau-là et à ce chapitre-là. Il doit les mettre en application, se soumettre et se conditionner avec ces textes. Et il ne fasse pas que les passions soient le gouverne. Car le serviteur ne peut pas arriver à la réalité de la foi jusqu'à ce que ses passions et son désir soient conformes à la législation. يقول وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل. Il dit, رحمه الله تعالى, et le grand mal qui atteint les gens à ce niveau-là, c'est parce que tout simplement ils suivent les passions, parce qu'ils mettent la raison avant les textes. فرحم الله الشيخ ابن برزس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. والآن مع كلام لسماحة المفتي العام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. سئل رحمه الله تعالى هل المظاهرات والاعتصامات من الجهاد؟ فكان جوابه لا, هذا غلط, هذا غلط, هذه فتنة وهذا شر ما يصلح. ها؟ فأين محمد حسان من كلام العلامة ابن باز؟ وأين عمرو خالد من كلام ابن باز؟ وأين السويدان؟ وأين وأين وأين القرضاوي من كلام الإمام رحمه الله تعالى؟ أين هم جميعا من هذا الكلام؟ Et voici maintenant un verdict de son éminence, Cheikh l'Islam, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. À la question, est-ce que les manifestations, les sittings, font partie du combat, font partie du jihad? Il a dit non, c'est faux, c'est faux, ceci est une fitna, ça c'est un grand mal, il n'y a que le mal qui découle de ça. Il n'y a aucun bien qui découle de tout ça. Maintenant, réfléchis à l'islam. Hein? Regarde ce que dit son éminence, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et regarde ce qu'a dit Mohamed Hassan, ou le Qaradawi, ou Amr Khalid, et vas-y, la liste est longue. Où sont ces gens-là de la clairvoyance de ce grand imam de la communauté? Pourtant, ils vont te le citer. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ها ils vont te le citer quand ils parlent de ce qu'ils veulent, ce qui les arrange, hein, ils vont te le citer à ce moment-là quand ça va dans leur sens. سؤال آخر, هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلةً من وسائل الدعوة؟ Il dit, on lui pose la question suivante, rahimahullah ta'ala. Est-ce que les manifestations hommes et femmes, c'est ce qui se passe, non, sur le terrain? La mixité totale. Hein? Est-ce que les manifestations entre hommes et femmes contre les gouverneurs est un moyen par les moyens de dawa? Parce que on veut le passer comme un moyen de dawa. Ils veulent le passer ainsi. Tous ceux qui sont sur la voie de Sayyid Qutb, ces Qutbis, Et ces sororis veulent que ça, disent que ça, c'est un moyen de dawa pour faire fléchir les gouverneurs, etc. Hein? Les Selman, les Safar, les Aed, tout ça. يقول رحمه الله لا أرى المظاهرة الرجالية والنسائية من العلاج ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. Il dit رحمه الله je vois pas que les manifestations entre hommes et femmes est un remède. Je vois que ça c'est un moyen de la fitna, est un grand moyen du mal, est un moyen de l'injustice. Que certains vont être injustices contre d'autres. Hein? يقول ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وسلك أهل العلم بالمكاتبة والمشافهة مع المفتي ومع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنك كذا وصار منك كذا والله المستعان. Il dit رحمه الله تعالى mais les causes légiférées c'est le fait de lui écrire de le conseiller d'appeler vers le bien par les voies légiférées qu'a pris Mohammed et son noble compagnon et ceux qui les suivent à la perfection et la voie qu'ont pris les hommes de science en écrivant ou en parlant directement à la personne que ce soit qu'il soit mufti ou qu'il soit prince ou qu'il soit gouverneur ou roi ou autre le contacter le conseiller directement lui écrire sans divulguer Ils sont parlé de ses erreurs sur le manbar ou autre. Hein? Sans dire sur le manbar, mais tu es comme ça, tu es kada, tu fais ceci, etc. Abadan. Hein? Regarde. Cette clairvoyance de cet imam à ses manifestations. Et regarde hein? Ce qui nous entoure, qu'est-ce qu'il veut. Hein? Celui qui est doué de raison et qui respecte hein, sa religion et respecte sa communauté, là, il se conforme. Et il est derrière les grands hommes de science. Il ne divise pas de leur voix. Hein? Toi, nous devons nous cramponner derrière les éminences de science. Hein? Sinon, on va à notre perte. La clairvoyance, il est avec eux. Il n'est pas avec Bounayat Tariq. Et pas avec les petits. Abedan. Hein? Regarde. Où elle dit, ces manifestations, Binet, il a dit Mohamed Hassan. Et pourtant, dans les manifestations, combien de dragues il y a dans les manifestations? Combien de viols? D'où ils sont sortis, soi-disant, pour se révolter et pour crier injustice. Ils font l'injustice, eux-mêmes. Draguer les femmes des autres, etc. Hein? Les sœurs des autres, etc. Ou violer, et ainsi de suite. Hein? Ils parlent d'eux qui sont en train de se révolter contre l'injustice. Ils ne voient pas au moins l'injustice qu'ils commettent. يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كما صرح به لجريدة المسلمين العدد 540 صفحة 10 باختصار يقول الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع أما نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة ما هي إلا مضرة الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون ما عيبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. Son éminence, Rahmatullah alayh, le jurisconsulte par excellence de cette communauté, qui est Cheikh Al-Uthaymeen, Rahmatullah alayh, il dit, il est de notre devoir de conseiller selon nos capacités. Quant au fait de d'aller en avant à la révolte et hein, de prendre les armes, etc. Et de déclarer clair devant tout le monde, il a fait ceci, etc. et de se révolter, ceci ne fait pas partie de la voie du puiseur d'Allah alayhi. Il dit, vous savez maintenant que ces choses ne font pas partie de la législation. Et ils n'ont aucun rapport avec les bonnes réformes. Ce n'est qu'un mal. Il a dit, le khalif al-Ma'moun, parmi Banu al-Abbas, il a tué un grand nombre d'hommes de science parce que ils n'ont pas dit, ils n'ont pas cru en cette fausse aqida qui est comme quoi le Coran est créé. Il a tué un grand nombre d'hommes de science. Il a obligé les gens à prendre cette parole et cette croyance, cette fausse parole, cette fausse croyance. Il a dit, nous n'avons pas entendu l'imam Ahmed ou autre parmi les grands imams aller faire un sit-in dans les mosquées, jamais. Et il a dit, nous n'avons pas entendu quelqu'un parmi eux aller le dénigrer ou parler de ses défauts pour que les gens le haïssent et que les gens le détestent. Il dit, « وَلَا نُؤَيِّدُ الْمُظَاهَرَاتِ » أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك لا نؤيدها إطلاقا ويمكن الإصلاح بدونها لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية وخارجية تحاول بث هذه مثل هذه الأمور. Il dit, hein, on n'est pas d'accord, hein, avec les manifestations ni avec les sit-ins ou ce qui ressemble à tout ça, hein, on les appuie pas abadan. Et il dit, la réforme peut se faire autrement. Mais il dit, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun doute qu'il y a des mains derrière tout ça. Hein? Qui veulent, qui essayent d'immiscer tout ça dans la communauté. Yaqulu, wa hadi fatwa ukhra, le Cheikh Salih ibn Fawzan, Al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala wa matta'a bih. هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل المشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟ Il dit, la question qui est posée à son éminence, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, est-ce que ça fait partie des moyens de la da'wa, le fait de faire des manifestations, pour régler les problèmes de la communauté et les malheurs de la communauté musulmane? Il dit, حفظه الله تعالى, ديننا ليس دين فوضى, ديننا دين انضباط, دين نظام, ودين سكينة, والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين, وما كان المسلمون يعرفونها, ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة, لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن, هذا هو دين الإسلام, والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية. هذه الفتن, هذه المظاهرات تحدث فتنا وتحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال, فلا تجوز هذه الأمور. Il dit, حفظه الله تعالى ومتع به, que الله سبحانه وتعالى nous fasse profiter de sa science, que الله سبحانه وتعالى allonge sa vie dans l'obéissance à الله سبحانه وتعالى. Il dit, notre religion n'est pas une religion de perturbation. Notre religion, c'est une religion de règles, une religion d'organisation, une religion de quiétude. Quant aux manifestations, ça ne fait pas partie des actes des musulmans. Et les musulmans ne les connaissaient pas, ne connaissaient pas ce que c'est que les manifestations. Hein? Il dit, la religion musulmane, c'est une religion de tranquillité, de quiétude, de clémence. Il n'y a pas de perturbation dedans, il n'y a pas de fitna dedans. Il dit, ça c'est la religion musulmane. Il dit, quant au droit, on demande nos droits, on arrive à nos droits par les voies légiférées. Et ces manifestations créent la fitna. Ces manifestations font couler le sang. Ces manifestations ramènent la destruction des fortunes et des biens. Donc, ces choses ne sont pas permises. وهذه فتوى للعلامة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. يقول السؤال: هل القيام بالمظاهرات والاغتيالات في البلاد الإسلامية أو في البلاد الكفار سببا لإصلاح الأمة الإسلامية؟ La question qui a été posée à son éminence Cheikh Ubayd حفظه الله تعالى: Est-ce que le fait de faire des manifestations et des assassinats dans les pays de l'islam ou dans les pays de mécréance est un moyen de la réforme de la communauté musulmane? يقول حفظه الله ومتع به: السني يسعى في إصلاح الوضع وفق نصوص الشارع ومن ذلك مناصحة ولي الأمر والدعوة إلى جمع الكلمة عليه ورد القلوب النافلة منه إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما توجبه الشريعة وأهل البدع والأهواء همتهم قلب الوضع ونسفه وهذا هو عمل الخوارج والثمرة سفك دماء وانتهاك أعراض وسلب ونهب وإخافة سبيل ونشر الفوضى وإضاعة الأمن وتفريق الكلمة. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde et qu'il allonge sa vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il lui donne la santé. Il dit le sunni accord vers la bonne réforme de la situation selon les textes de la législation. Et fait partie de ces textes le fait de conseiller le gouverneur. Le conseil se fait comment? Pas sur le minbar, en privé. Hein? Et le fait d'appeler les gens à se réunir autour de ce gouverneur. Et les cœurs qui le détestent d'essayer de les ramener pour se réunir autour de leur gouverneur et d'ordonner le bien et de blâmer le mal, comme le rend obligatoire la législation musulmane. Et il dit quant aux gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, leur but, but, c'est déstabiliser les situations, c'est renverser les situations. Hein? Et ça, ce sont les actes des khawarij. Et le résultat, c'est faire couler le sang. Et c'est déshonorer les personnes et s'accaparer de leurs biens et les vols, et ainsi de suite. Et c'est ramener l'insécurité et faire propager le fitna et tuer la sécurité et diviser l'union. Hein? يقول فالسنة هي نعمة الله على خلقه ولا يصلح أمر العباد ولا البلاد إلا بها كما كان وهب بن كيسان رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول لأصحابه ومنهم الإمام مالك رحمه الله وهو الراوي عنه اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله قال أصبغ لمالك يريد ماذا قال يريد بادئ الدين أو التقوى هذا أمر إيه الدين رحمه الله تعالى ومتع به لسنة c'est un bienfait من الله عز وجل sur ses créatures et le bien des pays et le bien des humains ne serait être acquéri que par la sunna. Il dit c'est pour ça que Wahb ibn Kisan rahimahullah ta'ala quand il avait une assise au moment de quitter à la fin pour quitter cette assise il disait l'imam Malik il disait à ses compagnons et à ses élèves qui étaient autour de lui faisait partie d'eux l'imam Malik rahimahullah ta'ala et c'est l'imam Malik qui rapporte cette phrase de Wahb ibn Kisan qui disait sachez que ne fera le bien de la fin de la communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Asbagh dit à Malik rahimahullah jami'an, il veut dire quoi avec ça? Il dit que ce qui a fait le bien, c'est-à-dire le début de cette religion, le début de la piété, c'est ce qui va faire, c'est-à-dire le début, c'est qui? Mohammed alayhi salam, c'est ses nobles compagnons. Il dit c'est ça qui a fait le bien du début de la communauté, ben c'est ce qui fera le bien de la fin de cette communauté. Où sommes-nous? Où sont ces perturbateurs sur les chaînes de télé? Où sont-ils de ces directives des ondes de science et de ne plus erreur d'Allah alayhim? Fasse Allah al-Azim, رب العرش العظيم يفقهنا وإياكم في ديننا ونجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن ونجنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن ونرد المسلمين إليهم ردا جميلا صلى الله سبحانه وتعالى نرد إليه المسلمين ردا جميلا صلى الله سبحانه وتعالى نحفظنا في أوطاننا ويحفظ جميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا إن شاء الله لي دو ديرنيير سيونس دمان إن شاء الله بإذن الله